c'est pas menti. Levé matin, pas gain travail. On s'assaye en Haïti. Oh, on a souffri pas bon la caille. Nous pas j'en suspend pas ses trahis. C'est tous les jours on a mouru. Mais c'est bluffé, y a pas bluffé. Oh, mais mes amis m'demandent pour qui nos petits Haïti, nous pas jamais bouqué souffrir. Nous entravé, entravé, entravé, entravé, entravé. Tout ça privé. Alors. Si nous voulons ça changer, c'est l'espoir ou des mains.